23-9, activation orale, apparence et réalité. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Il a l'air bizarre. Vous dites. Pourtant, il n'est pas bizarre du tout. Ou bien vous entendez. 2. Il a un accent américain. Mais vous dites. Pourtant, il n'est pas américain. Allons-y. 3. Il a l'air stupide. Pourtant, il n'est pas stupide. 4. Elle a l'air intelligent. Pourtant, elle n'est pas intelligente du tout. 5. Ils ont l'air sportifs. Pourtant, ils ne sont pas sportifs. 6. Elles ont l'air riches. Pourtant, elles ne sont pas riches. 7. Elle a l'air fragile. Et pourtant, elle n'est pas fragile du tout. 8. Nous avons l'air costaud. Et pourtant, nous ne sommes pas costauds. 9. Elle a l'air anglais. Et pourtant, elle n'est pas anglaise. 10. Elle a l'air mexicain. Et pourtant, elle n'est pas mexicaine. 11. Lui, il a l'air portugais. Pourtant, il n'est pas portugais. 12. Elle a un accent portugais. Et pourtant, elle n'est pas portugaise. 13. Elle a un accent français. Pourtant, elle n'est pas française. 14. Elle a un accent américain. Pourtant, elle n'est pas américaine. 15. Elle a un accent allemand. Pourtant, elle n'est pas allemande. 16. Elles ont un accent japonais. Pourtant, elles ne sont pas japonaises. 17. Elles ont un accent suédois. Pourtant, elles ne sont pas suédoises. 18. Elle a un accent étranger. Pourtant, elle n'est pas étrangère.